Chapitre 30e, Boodle à Mount Street. Le capitaine Clavering et le capitaine Boodle avaient, comme on peut bien le croire, discuté fréquemment et longuement les résultats de la négociation du premier avec l'espionne russe, et l'avis de Boodle, finalement adopté par son ami, fut que ces résultats n'étaient pas satisfaisants. On avait dépensé 70 livres sterling, et le profit était pour ainsi dire nul. Vainement, Archie, ne voulant pas convenir de son échec diplomatique, soutenait qu'avec les personnages politiques, et particulièrement les Russes, les accessoires étaient tout. Que les préliminaires, une fois arrangés, l'affaire était faite. Boodle, lui, prouvait, par raison démonstrative, que l'affaire n'était pas faite, et que 70 livres sterling pour les préliminaires étaient trop. « Mon cher garçon, lui dit-il, avec un ton qu'il n'était pas exempt de mépris, où en êtes-vous ? C'est là ce que je veux savoir. Où en êtes-vous ? Vous n'avez pas fait un pas. » Cela était vrai. Tout ce que Archie avait reçu de Sophie en retour pour sa dernière remise était la déclaration qu'elle ne pouvait fixer présentement aucun jour pour renouveler l'attaque contre la comtesse. Mais que ce jour pourrait être fixé à sa première visite à Mount Street, pourvu toutefois qu'il se présenta le gant convenablement fourré de billets de banque. Tout ce dont Archie et Sophie étaient convenus pour commencer était que Lady Ongar serait informée des vœux du capitaine Clavering. Cette convention satisfaisante datait du mois d'avril. Or, juin approchait, et la comtesse ne savait encore rien des intentions d'Archie. Si l'espionne russe devait faire quelque chose, il fallait le faire tout de suite, et Boodle ne pouvait s'empêcher de dire que son ami ne savait pas mener sa barque. Archie ne pêchait pas par excès de confiance en lui-même, mais il était plutôt porté à s'appuyer sur ses amis et à leur demander aide et conseils dans ses difficultés. « Que diable voulez-vous que je fasse ? » demanda-t-il. « Je ferais peut-être mieux de tout abandonner. » Tout le monde dit qu'elle est aussi fière que Lucifer, et après tout, personne ne sait ce qu'il y a dans son passé. Mais telle n'était pas l'opinion de Boodle. C'était un homme qui n'abandonnait jamais la partie parce qu'il avait une mauvaise carte dans son jeu. Il en avait joué plusieurs et gagné quelques-unes. Lutter jusqu'au bout était sa devise, et il comptait toujours sur le retour d'une chance heureuse, si éloignée qu'elle parût. « Qu'il ne tente rien à rien, » dit-il à Archie. « Écoutez, Archie. » Vous avez quelques bonnes cartes dans votre jeu, et vous ne pouvez savoir ce qu'une femme pense tant que vous ne l'aurez pas interrogée vous-même. Quant à sa conduite passée, pourquoi vous en inquiétez ? 7 000 livres de rente couvrent une multitude de péchés. Je sais bien cela. Et puis, pourquoi faire des jugements peu charitables ? Si l'on croyait tout ce que l'on entend, cela n'en finirait pas. Pour moi, je ne crois jamais rien. Maintenant, voilà mon avis. À votre place, je planterai là cette femme et j'irai de suite trouver la veuve. Et j'aurais donné mes 70 livres en pure perte. Vous n'êtes pas assez simple pour espérer les rattraper jamais. » Archie répondit qu'il ne nourrissait pas ce fol espoir, et il s'ensuivit un moment de silence. « Je vais vous dire ce que je me propose de faire, » reprit Boodle. « Sur ma parole, ce sera le meilleur plan. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« J'irai moi-même trouver cette femme. »« Qui, Lady Ongar ? » ?»« Non, l'espionne russe, comme vous l'appelez. En pareille matière, il vaut mieux avoir recours à un intermédiaire. » Je puis traiter la chose plus rondement que vous, et aller plus droit au but. Et vous pouvez être sûr d'une chose, elle n'aura pas un sou de moi sans que je retire aussi mon épingle du jeu. Alors vous porterez un peu d'argent avec vous ? Oui, si c'est à propos. Nous parlions de donner 200 ou 300 livres, et vous n'êtes encore allé qu'à 70. Si vous me donniez les 30 autres pour faire le 100, s'il réussit à me les arracher sans peine, mon nom n'est pas Boodle. Cette dernière proposition souriait peu au capitaine Clavering, mais il finit par y consentir et donna les 30 livres à son ami. Il fut décidé que l'ambassadeur ne s'annoncerait pas par un billet, mais se présenterait inopinément. Si à une première visite il ne réussissait pas, il en ferait une seconde et une troisième, et avant la fin de la semaine, il verrait Madame Gordeloup. Quand il fit sa première visite de Mount Street, Sophie Gordeloup était à l'île de Wight. À la seconde visite, elle était au lit, fatiguée de son voyage. Elle s'était mise à travailler dès le soir du lendemain. Elle écrivit à son frère une lettre longue et confidentielle, lui racontant tout ce qu'elle avait souffert pour lui, et dépeignant avec vigueur la perversité, la malignité et l'entêtement de son ancien ami. Puis elle écrivit une lettre anonyme à Mrs. Burton, dont elle avait appris le nom et l'adresse depuis qu'elle avait connu par Archie l'engagement de Harry avec Florence Burton. Dans cette lettre, elle racontait les artifices horribles auquel Lady Ongar, cette affreuse femme, avait recours pour enlever Harry à Florence. « C'est affreux, » disait l'écrivain anonyme, « mais c'est l'exacte vérité. On a vu Lady Ongar dans ses bras, je puis l'assurer. » Après cela, elle s'habilla, sortit et se rendit dans ce monde qui, avait-elle dit, lui était ouvert, chez quelques obscurs attachés d'ambassade, et y passa le temps à écouter, à chuchoter et à rire des bons mots de quelques vieux libertins, par la poésie avec un jeune homme fat et boiteux, eut enfin un gâteau et un verre de vin, s'occupa de cette manière et ne regretta pas trop l'argent qu'elle avait dépensé pour sa voiture de place. Quand le capitaine Boodle passa le lendemain à midi, elle était encore au lit. À Paris ou à Vienne, elle eût pu le recevoir ainsi, mais à Londres, c'était impossible. Et elle se décida à donner un rendez-vous pour le lendemain au capitaine Boodle, qui sollicitait une audience pour affaires personnelles et pressées. Le lendemain donc, à midi, Boodle fut introduit dans son salon. Il avait soigneusement évité toute espèce de luxe dans son costume, pensant que le costume de Newmarket et du champ de course pourrait mieux que tout autre lui donner une haute idée de son habileté diplomatique. Archie, au contraire, s'était compromis par l'éclat de ses bottes vernies et de son costume neuf. Boodle avait une veste courte, une chemise de couleur avec un foulard autour du cou, de vieux pantalons bruns et collants, et des gants qui avaient perdu depuis longtemps leur fraîcheur. Boodle avait une petite tête ronde comme un boulet, les cheveux coupés très courts, et pour toute barbe, quelques poils au bout du menton. Son air indiquait certainement une habileté touchante à la rouerie, et quand il fronçait le sourcil ou secouait la tête, certaines gens pouvaient croire qu'il était de ces hommes dont on ne vient pas facilement à bout. Sophie, dans cette occasion, n'avait pas cru devoir se vêtir avec cette gracieuse négligence qui avait fait l'étonnement du capitaine Clavering, et le peignoir d'une propreté douteuse avait été échangé contre une robe ordinaire. Le capitaine Boodle fut tenté de le regretter car il aurait préféré voir l'espionne russe dans le costume qui lui convenait le mieux. Il faut dire que Sophie ne connaissait rien des rapports existants entre son nouveau visiteur et le capitaine Clavering. « Vous êtes le capitaine Boodle, » lui dit-elle en jetant sur lui un regard scrutateur pendant qu'il entrait dans la pièce et la saluait. « Le capitaine Boodle, madame, pour vous servir. Votre nom est anglais, je suppose ?»« Assurément, madame, tout à fait anglais. Les Boodle sont originaires de Warwickshire, où ils ont une petite propriété près de Leamington. Bien petite, il est vrai, j'ai le regret de le dire. » Elle regarda très attentivement, se demandant vainement quelle sorte d'homme elle avait devant elle. Elle avait vécu bien longtemps en Angleterre et avait connu des Anglais de toute classe, mais elle ne se rappelait nullement en avoir vu aucun qui ressemblât au personnage debout devant elle. C'était un gentilhomme ou un voleur. « Une toute petite propriété dans le Warwickshire, » dit-elle en répétant ces paroles. « Vraiment ?»« Oui, mais tout cela, madame, n'a rien à faire avec ma visite. » Alors, capitaine Boodle, quel peut être l'objet de cette visite ? Là-dessus, Boodle prit un siège, ce que Sophie avait oublié de lui dire de faire depuis son entrée. À partir de ce moment, Boodle cessa d'être à ses yeux un capitaine. Le titre de capitaine, comme celui de comte, parmi les étrangers qui arrivent en Angleterre, est souvent usurpé par des gens qui n'y ont pas le moindre droit. Archie, avec ses bottes vernies, avait l'air d'un capitaine, mais plus elle considérait cet homme, plus elle était tentée de ne voir en lui qu'un voleur. L'objet de ma visite, reprit-il, est d'une nature fort délicate. Mais j'espère que vous et moi, qui connaissons le monde, nous arrivons bientôt à nous entendre. Ah, vraiment, vous connaissez le monde. Très bien, continuez, monsieur. Maintenant, madame, l'argent est de l'argent, vous savez. Et une buse est une buse. Qu'est-ce que cela prouve ? Une buse est une buse, mais il y a des gens qui ne sont pas des buses. Personne, madame, ne songerait à vous traiter de buse. J'aime à croire que non. « Ce serait une impolitesse qu'un Anglais ne se permettrait pas. Voulez-vous continuer ?»« Je crois que vous avez le plaisir de connaître Lady Ongar. »« Connaître qui ?» s'écria Sophie. « Lady Ongar. » Pendant les derniers jours qui avaient précédé, l'esprit de Sophie avait été très occupé de sa chère Julie, mais pas le moins du monde des affaires du capitaine Clavering. Aussi, quand elle entendit prononcer le nom de Lady Ongar, elle pensa tout de suite à sa récente querelle avant de songer au capitaine. Aurait-elle affaire à un avoué, ou bien Julie aurait-elle la bassesse de réclamer ses 20 livres ? Telle fut la pensée qui lui traversa l'esprit. « Et vous, dit-elle, connaissez-vous Lady Ongar ? Je n'ai pas cet honneur. »« Ah, vous ne la connaissez pas ? » ?»« Et peut-être avez-vous envie de lui être présenté ? » ?»« Pas précisément, pas pour le moment. » »« Un peu plus tard, j'espère avoir ce plaisir. » mais j'ai raison de croire que vous êtes intime avec elle. Eh bien, maintenant, qu'allez-vous faire pour mon ami Archie Clavering ? Ah ! S'écria Sophie. Oui, qu'est-ce que vous allez faire pour mon ami Archie Clavering ? 70 livres, voyez-vous, sont une jolie somme. Une jolie somme, dites-vous. C'est là ce que vous croyez dans votre petite propriété du Warwickshire ? Cette propriété n'est pas à moi, elle appartient à mon oncle. Ah ! Elle est à votre oncle. Ah, bien. Qu'est-ce que votre oncle a de commun avec Lady Ongar et votre ami Archie Clavering ? Absolument rien, madame, absolument rien. À quoi bon alors me conter tout cette amphigourie au sujet de votre oncle et de sa propriété ? Qu'ai-je à faire avec votre oncle ? Monsieur, je ne vous comprends pas du tout, et je ne vois pas davantage pourquoi j'ai l'honneur de vous voir ici, capitaine Boodle. Boodle, en dépit de son assurance et de son habileté, sentit qu'il était maté et qu'il avait affaire à trop forte partie. Il éprouvait un grand embarras et ne savait guère si, dans toute cette tirade au sujet de son oncle, elle avait parlé sérieusement ou si elle avait voulu se moquer de lui. Elle venait de se lever, se tenait debout comme pour l'inviter à sortir, mais il avait à peine entamé le sujet qui l'amenait. « Je suis ici, dit-il, pour vous parler au sujet de mon ami, le capitaine Clavering. Eh bien, vous pouvez aller trouver votre ami Clavering et lui faire savoir que je n'ai rien à lui dire, moi. Vous pouvez ajouter « capitaine Boodle » et en prononçant ce nom, elle l'accentuait de façon à le rendre véritablement ridicule. Vous pouvez ajouter que sa démarche, en vous envoyant ici, est une impertinence. Voulez-vous lui dire cela ? Non, madame. Peut-être êtes-vous son laquais ? Et vous êtes obligé de venir quand il vous l'ordonne ? Je ne suis le laquais de personne, madame. Si cela est, je ne vous en blâme pas. Peut-être aussi est-ce votre coutume dans le Warwickshire de faire le messager d'amour pour les autres ? Au diable, le Warwickshire ! S'écria Boodle hors de lui-même. En vrai, au diable, le Warwickshire ! Et l'affreuse créature se mit à ricaner en répétant ces mots. « Oh diable, la petite propriété, votre oncle, si vous le voulez, aussi son neveu, oui, son neveu !» En disant cela, elle se tenait debout devant lui, ricanait et faisait une affreuse grimace, au point que Boodle en était tout ahuri. Il se promettait bien intérieurement de ne plus rien avoir à faire avec une créature de cet acabit. Il la regardait en face et cherchait vainement ce qu'il pourrait bien lui répondre. Il n'avait pas encore rempli sa mission, mais c'était désormais hors de la question. Cette femme l'avait défié, et quant à Clavering, elle l'avait jeté à la mer. Il ne fallait plus compter sur ses services. Il crut donc devoir se borner à lui rappeler la somme qu'elle avait reçue. « Et les 70 livres de mon ami, qu'est-ce que vous en dites ? Vous osez parler de ces 70 livres ? Un petit homme, un Boodle, de Warwickshire, vient me dire qu'il a un oncle en possession d'une petite propriété et me questionner au sujet de 70 livres ? Et si j'allais vous parler du policeman, qu'est-ce que vous diriez ? Envoyez-le chercher et vous verrez ce que j'ai à dire. Non, c'est inutile. Pour mettre à la porte un petit bout d'homme comme vous, j'envoie chercher le policeman quand j'ai peur. Mais non, Boodle n'a rien de redoutable. Faites-moi le plaisir d'aller trouver votre ami et de lui dire qu'il a choisi un bien mauvais messager, le pire que j'ai jamais vu. Peut-être n'en trouve-t-on pas de meilleur dans votre pays. Dites-moi, capitaine Boodle, comment fait-on l'amour dans votre pays ? « Est-ce là toute la satisfaction que vous prétendez me donner ? » ?»« Qu'est-ce qui vous parle de satisfaction ? Vous en aurez toujours peu, quand vous vous mêlerez de jouer le rôle de messager d'amour. »« Mon ami veut savoir ce que sont devenus ces 70 livres. »« Ces 70 livres, ne me parlez plus de cela ou je vous saute à la gorge. » Se disant, elle s'élança vers lui comme pour l'attaquer avec ses ongles, ce qui le fit s'enfuir vers la porte. « Vos 70 livres, dites-vous. Vous voilà bien, vous autres Anglais. » Quelle vile canaille vous êtes ! Un Français aurait honte d'en agir ainsi, un Russe ou un Polonais aussi, mais vous autres, il faut tenir compte de tous vos cadeaux, comme on tient un compte de boucherie. Vous êtes des crétins qui ne comprenez rien, vous ne savez ni parler ni vous taire, vous n'avez pas de tête. Je me trompe, vous avez des têtes de bœuf. Un bœuf entre dans une boutique de porcelaine, il casse, il brise, fracasse tout en une minute. Ainsi fait un Anglais, vos 70 livres. Vous viendrez me le redemander, je vous le conseille. » Elle avait accompagné ses paroles du geste et imité le taureau s'élançant dans une boutique en faisant jouer à la fois sa tête, ses jambes et ses bras. « Ainsi vous refusez de vous expliquer sur ces 70 livres, » dit Boodle essayant de reprendre courage, sur quoi la rouée Sophie éclata de rire. « Capitaine Boodle, mais vous n'avez pas de gants. » « Des gants, mais non, je n'en porte pas. » « Ni votre oncle non plus, je le suppose, dans sa petite propriété du Warwickshire. Le capitaine Clavering en porte, lui. C'est un homme qui sait s'y prendre. Peut-être est-ce dans votre poche de gilet. » Et elle s'avança vers lui comme s'il allait lui arracher sa montre de son gousset. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, » répondit-il en se retirant vers la porte. « Non, vous ne savez pas faire comme mon ami le capitaine Clavering. Ainsi vous ferez mieux de vous en aller dans le Warwickshire. Allez vous y engraisser. » Boodle ne comprit absolument rien au sarcasme de cette femme et finit par croire qu'il ferait bien de battre en retraite. Cette femme devait être folle. Et Archie avait été indignement trompé quand on lui avait conseillé de s'adresser à elle. Peut-être aurait-on pu recouvrer les 70 livres données à cette folle. Mais la chose eût fait un éclat fâcheux pour son ami. Il valait mieux sacrifier l'argent. En tout cas, il n'avait pas été assez sot pour lui donner un sou de plus. « Adieu, madame, » lui dit-il d'un ton très sec. « Adieu, capitaine. Reviendrez-vous une autre fois ?»« Non, pas que je sache, madame. »« Vous me ferez plaisir de rester chez vous. Je préfère votre ami. Dites-lui de revenir ganté comme la dernière fois. Quant à vous, vous pouvez rester tranquille. » Le capitaine s'en alla. Et à peine fut-il dans la rue, qu'il s'arrêta et regarda autour de lui pour s'assurer qu'il était bien dans un monde à lui connu. Pendant qu'il s'était trouvé avec l'espionne russe, il avait oublié qu'il était à Londres, à 1 mile de son club. Il avait, pour ainsi dire, été transporté dans un monde étranger, où son tact, son courage et toute sa pénétration habituelle ne lui avaient servi de rien. Madame Gordeloup lui avait ouvert un nouvel horizon, la porte d'un monde où il ne voulait plus s'aventurer. Graduellement, il commençait à deviner ce qu'elle avait voulu dire en parlant du grand Archie. Cette femme était à coup sûr un phénomène rare, qu'il aimerait à se rappeler avoir vu. Le premier cheval qu'il posséderait à lui serait nommé l'espion russe. En attendant, et tout en traversant Berkeley Square, il reconnaissait que cette femme n'était pas folle et que moins on reviendrait sur les 70 livres, mieux cela vaudrait. En continuant sa marche, il se demandait quelle attitude il prendra devant Archie. Lui, au moins, avait lieu d'être content de lui. Il n'avait pas perdu un sou. Et il s'était convaincu qu'aucune assistance de la part de Sophie n'était à espérer pour l'affaire où il avait voulu l'employer. Quelques heures plus tard, les deux amis se trouvaient réunis et Archie trouva Boodle occupé à une poule qu'il jouait avec la plus absorbante attention. Mais il était trop impatient pour attendre la fin de la partie. « Eh bien, Boodle, lui dit-il, l'avez-vous vu ?»« Oh oui, je l'ai vu, » dit Boodle, s'asseyant sur un banc élevé qui faisait le tour de la salle, pendant qu'Archie le regardait d'un air impatient. « Eh bien ?»« Oh, c'est une rouée. Merci, Griggs. Vous me tenez toujours tête, comme un brave. » Cela s'adressait à un jeune lieutenant qui avait manqué la vie du capitaine et lui tendait un shilling d'un air d'amère déception. « Elle est très singulière, » dit Archie. « Assurément. Singulière, par Saint-Georges. C'est la plus étrange personne qui se puisse voir en ce pays. Je l'ai cru folle, d'abord. » Mais c'est une femme qui sait ce qu'elle fait. Elle le sait de reste. Elle vaut tout l'argent qu'on lui donnera. Si toutefois on peut la décider à se mettre à l'œuvre. Folie que tout cela, mon garçon. Comment folie? Qu'est-ce que vous voulez dire? Folie. Erreur complète, vous dis-je. Elle ne veut rien faire. Elle n'a jamais rien fait. J'ai trouvé le fond du sac. Trouvé quoi? Je vous dis qu'elle s'est moquée de vous. Elle a pris votre argent dans votre gant, n'est-ce pas? C'est vrai. Je l'avais mis dedans. « Sans doute, vous l'aviez mis. J'étais bien sûr que je saurais le fin mot de la chose si j'allais chez elle. Je lui ai tout arraché. Mais Dieu, quelle femme! Elle me jurait à la face. Elle jurait? En français, vous voulez dire? Non, pas en français. Elle m'a damné en anglais, fort pur. Dieu, comme j'ai ri. Je veux bien être pendu si cela n'est pas vrai. Elle n'a rien fait de semblable quand je suis allé la voir. Vous ne l'avez pas retournée sans dessus-dessous comme je l'ai fait. « Mais attendez un moment. » Il descendit, frotta sa queue de billard avec de la craie, empocha un shilling ou deux et revint. « Je vous dis, Clavering, qu'il n'y a rien à faire avec elle, et il n'y a jamais rien eu à faire. Si vous eussiez continué vos largesses, elle vous aurait mis à sec comme un ruisseau de tari. Voilà vos 30 livres que je vous rends, et sur ma parole, mon garçon, vous me devez des remerciements. » Archie le remercia vivement, et Boodle prit un air de triomphe. Il ne dit rien des rebuffades personnelles qu'il avait endurées. Et dans la suite, quand il parla à Archie et à deux autres amis intimes de l'espionne russe, il revint presque à se convaincre qu'il avait tiré les verres du nez à Madame Gordeloup et qu'il était sorti triomphant de son entrevue avec cette terrible femme.